a décidé ce matin d'autoriser la corporation minière Osisko à réaliser un important projet minier sur le territoire de la ville de Malartic. Un projet controversé là-bas puisque la compagnie avait déplacé plus de 200 résidences et bâtiments publics avant l'autorisation officielle du gouvernement. De plus, le conseil tribal de la nation algonquine locale avait dénoncé le fait qu'aucune nation autochtone n'avait été directement consultée sur ce projet de mine à ciel ouvert. L'annonce de ce matin a été faite en présence du ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable également de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Corbeil. M. Corbeil, bonjour. Bonjour, M. Nikolov. Dites-moi, M. Corbeil. J'ai aussi la fonction de député d'Abitibi-Est. Et oui. L'Arctique est au beau milieu de mon comté. Exactement, oui. M. Corbeil, n'y a-t-il pas eu un projet de loi privé, si je me souviens bien, il me semble, c'était autour du mois de juin, qui présentait ce projet pratiquement comme un fait accompli? Non, pas du tout, parce que c'est un projet pour habiliter la ville de Malartic, qui doit avoir des autorisations du ministère des Affaires municipales et des régions, pour prendre des dispositions envers les citoyens qui ont été relocalisés dans le nouveau quartier par rapport à des impacts sur l'évaluation foncière. Mmh. Alors, ce projet de loi-là était pour actualiser une situation de fait, parce que ces résidences-là sont installées sur leur nouvelle fondation et d'où je vous parle, je les vois très bien. Alors, la municipalité voulait prendre des dispositions pour atténuer l'impact de la hausse de l'évaluation de ces propriétés-là sur ces résidents. D'accord. Et j'ai accompagné avec mon collègue Daniel Barnard la municipalité dans l'adoption de ce projet de loi privé. Mais M. Corbeil, pourquoi justement est-ce que l'entreprise, la compagnie, a procédé à ce déménagement avant l'annonce officielle, finalement, du projet lui-même, c'est-à-dire du creusage de la mine? Ben, en fait, c'est une décision que l'entreprise a prise dans les étapes préliminaires, si on veut, pour amener la réalisation du projet ultime qui a été autorisé par le gouvernement et qui a un impact majeur dans l'économie locale, régionale et québécoise, parce que on vient de faire l'annonce de l'autorisation de construction de ce projet-là et il y avait plus de 200 personnes dans la salle. L'enthousiasme était palpable. Des résidents, des travailleurs, des représentants des travailleurs ou des fonds de travailleurs, des firmes de consultants, d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises. Alors, je pense que ce matin, Malartic était en liesse. Et non seulement était en liesse, mais aussi applaudissait à ce renouveau pour la prochaine génération de jeunes Malarticois et Malarticoises. Les Premières Nations disent qu'elles n'ont jamais été consultées. Est-ce que c'est vrai? Les Premières Nations ont fait valoir certains points de vue devant le BAP. La porte est toujours ouverte pour le dialogue et les discussions. Sur ce projet-là ou n'importe quel autre projet ou sur tout intérêt qui pourrait manifester dans des négociations territoriales globales. Il suffira qu'ils en manifestent le désir et on mettra le Québec, le gouvernement du Québec à l'œuvre avec le gouvernement fédéral sur ces questions-là. Parlons du projet lui-même parce que c'est un projet important. Je pense que la mine, une mine à ciel ouvert, rappelons-le, aura 750 mètres de profondeur. On parle d'un diamètre de plus de 1 km, 1 km et demi, c'est énorme. En fait, l'excavation va être sur 2 km de longueur par 780 de largeur. De 780 mètres et 400, un peu presque 500 de profondeur, mais au fur et à mesure que le projet va avancer, la compagnie va procéder à des restaurations par section pour éviter d'avoir à faire tout ce travail-là à la fin. Et puisqu'elle a soumis ces conditions-là et qu'elle entend les respecter, ça fait partie des conditions d'autorisation d'aller de l'avant avec la réalisation du projet. Et ça respecte aussi la nouvelle stratégie gouvernementale, la nouvelle stratégie minérale du gouvernement qui va imposer 100% des coûts de restauration en garantie avant de réaliser un projet minier dans l'avenir. Et rapidement, Monsieur le ministre, est-ce que la compagnie va verser des redevances? Elle a déjà pris des ententes avec la communauté de Malartic parce que c'est directement à l'intérieur des limites de la municipalité et elle est en discussion avec d'autres groupes. Alors, on verra dans l'avenir. Notre invité est donc M. Pierre Corbeil, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec. Merci beaucoup, M. Corbeil. Au plaisir.